Vous écoutez Futur Simple sur CKRL, François Grégoire au microphone, pour aborder un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité, mais presque jamais dans une émission de culture scientifique. On parle de la pornographie. Et nous avons la chance à Futur Simple de bénéficier de la présence de la sexologue Julie Rouleau, qui va nous rapporter une étude scientifique sur l'usage de la pornographie. Bonjour Julie. François, bonsoir. Donc, encore une fois, cette année, je pense aux auditeurs et auditrices de Futur Simple et je souhaite qu'ils puissent profiter de leur temps des fêtes avec famille éloignée, neveux, nièces, bruits et gendres en toute simplicité. Je leur fournis donc un sujet de conversation, la cyberpornographie, sa définition dite scientifique et un survol de son usage problématique. Qui sait, allez-vous passer un bon moment à discuter de ce sujet autour d'une tourtière? Intéressant. Alors Julie, tu nous parles aujourd'hui de la pornographie ou plus précisément des problèmes liés à la consommation de la cyberpornographie, n'est-ce pas? Exactement, François, tu l'as dit tout à l'heure, Internet est omniprésent et la pornographie est depuis plusieurs années déjà extrêmement facile d'accès. Donc, certaines personnes éprouvent toutefois des difficultés à gérer leur usage, ce qui amène plusieurs conséquences dans leur fonctionnement au quotidien. Donc, l'usage problématique de la pornographie est un phénomène quand même assez récent. Les psychologues, les sexologues et différents intervenants en santé mentale ne sont pas toujours outillés pour intervenir efficacement sur cette problématique. Donc, comment comprendre, évaluer et traiter cette problématique? Un article scientifique rédigé par Dr. Anne-Marie Sergery et Simon Corriveau, professeur au département de sexologie de l'UQAM, a été publié il y a 2 ans. Donc, l'article a pour objectif de dresser l'état des connaissances actuelles sur l'usage problématique de la pornographie. C'est donc le sujet que je vais survoler avec vous aujourd'hui. On entend parler de pornographie depuis des décennies, Julie. Est-ce qu'il existe une définition scientifique du phénomène? Exactement. Donc, selon cette définition, la pornographie réfère à du matériel visant à créer ou à renforcer des émotions ou des pensées sexuelles pour ainsi provoquer une excitation sexuelle. Mm-hmm. Le matériel pornographique est habituellement composé d'images sexuellement explicites représentant des corps nus ou partiellement nus ayant des activités sexuelles ou une stimulation génitale. Le préfixe « cyber » peut être ajouté pour désigner l'usage du matériel pornographique en ligne ou par l'entremise des nouvelles technologies, donc « cyber ». Pornographie. Y a-t-il un usage de la pornographie qui varie selon le genre, en fait, que l'on soit un homme ou une femme? Très intéressant comme question, n'est-ce pas? Donc, évidemment, l'usage de la pornographie diffère entre les hommes et les femmes. Mais comment? Donc, les hommes chercheraient davantage une gratification immédiate et préféraient du matériel qui montre des activités sexuelles de façon explicite, sous forme d'images, de vidéos ou de sites web avec du contenu sexuel visuel. Les femmes préféraient plutôt du matériel illustrant des scènes érotiques, romantiques ou de la nudité sans nécessairement être très explicite. Les femmes rechercheraient également des activités plus interactives et indirectes comme le clavardage érotique, les forums de discussion sur la sexualité. Donc, pour les femmes, en 2019, il est plus facile que jamais d'échanger en toute discrétion sur son téléphone en 2 achats sur Amazon. Les résultats d'une étude danoise menée auprès de près de 700 hétérosexuels montrent que les hommes feraient plus usage de la pornographie en termes de durée et de fréquence lorsqu'ils ont été exposés en bas âge à la pornographie. Ah bon? Donc, les hommes utiliseraient plus souvent la pornographie pour des activités sexuelles où ils sont seuls, évidemment, la masturbation. De leur côté, les femmes utiliseraient davantage la pornographie durant les activités sexuelles avec un partenaire régulier. Outre le contenu dont on ne discutera pas, quel est le problème avec la pornographie? Oui, effectivement, lors de ma dernière chronique, je vous ai parlé d'exploitation sexuelle. La pornographie est un sujet très lié, mais ce ne sera pas ici la question. À ce jour, la communauté scientifique affiche encore des divergences à propos de la désignation et de la conceptualisation de l'usage problématique de la pornographie. Dans les écrits scientifiques, les comportements sexuels problématiques sont désignés d'une multitude de façons. Addiction, dépendance, impulsivité, compulsion sexuelle, trouble hypersexuel, hypersexualité, addiction, dépendance à la pornographie ou encore usage compulsif, excessif ou problématique de la pornographie, pour ne nommer que quelques exemple. Donc, ce manque de consensus fait en sorte qu'il devient complexe pour les professionnels de la santé mentale, notamment, de bien circonscrire le problème, oui, d'établir des critères diagnostiques précis et de concevoir des outils valides pour évaluer adéquatement et enfin fournir des traitements adaptés. Donc, pour certains, l'usage problématique de la pornographie serait enfin une forme d'addiction, tandis que pour d'autres, il s'agirait plutôt d'un trouble sexuel. Donc, c'est plutôt l'usage qui est problématique, quoi. Ben oui, effectivement, l'usage problématique de la pornographie se définit comme une incapacité à contrôler son usage de la pornographie et ça s'accompagne d'émotions, de pensées négatives à propos de l'usage de la pornographie qui entraîne des conséquences négatives sur la qualité de vie, le fonctionnement général là, de la personne, de l'individu. Les comportements masturbatoires accompagnent habituellement l'usage de la pornographie, donc c'est à la base de cette industrie qui vaut plusieurs milliards de dollars, faut le dire. Alors, quelles sont, je dirais, les composantes à considérer pour déterminer si l'usage est un problème ou non? En fait, il y a quatre composantes qui sont importantes à considérer. Donc, premièrement, une utilisation considérée comme excessive. Deuxièmement, un état de manque lorsqu'on en consomme pas. Donc, des sensations désagréables ressenties lorsqu'on doit cesser ou réduire la fréquence, la durée ou la quantité des émotions communes qui vont jusqu'à la tristesse, l'anxiété, l'irritabilité, la colère ou l'ennui lorsque l'accès aux technologies est impossible. Ensuite, il y a un aspect, une composante qui est la tolérance. Donc, un besoin d'augmenter les quantités pour obtenir le même effet. Augmenter les heures consacrées à l'activité, augmenter besoin de meilleur équipement, achat d'applications ou de jeux spécifiques. Et la dernière composante est des conséquences négatives en raison de l'usage. Donc, on les a nommées tout à l'heure, hein, problème relationnel, professionnel, conjugaux, fatigue, perte de relations significatives, perte d'emploi, occasion d'emploi manquée, de carrière ou d'études. Donc, on retrouve là les grandes composantes de toute consommation là, problématique. Il est pertinent de s'intéresser à l'impact de la pornographie. Toutefois, considérant la grande prévalence de la consultation des sites pornographiques, tous et toutes n'ont pas un problème. Est-ce que tu peux nous rassurer à ce niveau-là, Julie? Ben oui, effectivement. Là, je vous ai pas nommé les grandes statistiques d'utilisation, mais vraiment, ce sont des milliards de visites qui sont faites sur les sites pornographiques à chaque année d'une durée. Donc, on ne veut pas. Il importe de mentionner que faire usage de la pornographie, c'est pas un problème en soi. Donc, le comportement est un problème seulement qui devient excessif, comme on a nommé tout à l'heure, et qui entraîne des difficultés significatives là, au niveau émotif, cognitif, comportemental, relationnel. Donc, tu comprendrais, François, qu'il est toutefois difficile de statuer sur qu'est-ce qui est excessif sans risquer de basculer vers des aspects de moralisation, normalisation. Donc, l'usage problématique de la pornographie est souvent, a souvent une fonction, en fait, François, puis ça répond à un besoin, conscient ou non, en ayant comme fonction d'apaiser, d'éviter des expériences internes, hein, des pensées, des obsessions, des émotions ou certaines sensations physiques. Donc, les expériences internes peuvent contribuer à maintenir ou à redoubler l'usage de la problématique là, de la pornographie. Et ça peut varier aussi d'un individu à l'autre. Aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est important de reconnaître quels sont les signes que la consommation devient problématique pour adresser la situation, peut-être consulter là, si on a un problème. Par ailleurs, les enfants, les adolescents exposés à la pornographie, je crois que les statistiques, là, c'est très tôt dans la préadolescence, les enfants ont leur premier contact avec la pornographie. Et lorsqu'ils sont surexposés, il y aurait tendance à avoir des attentes irréalistes en ce qui concerne la sexualité, ce qui aura un impact sur leurs attentes envers eux-mêmes et envers les autres. C'est pourquoi l'éducation à une sexualité saine est si importante pour les jeunes et pour les adultes. Donc, la pornographie, pas si inoffensive que ça, je vous invite à y penser. Et joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Alors, merci Julie de nous avoir éclairé sur cette pratique dont on entend parler sans toujours connaître ce qui se cache derrière. Alors, pause musicale sur CKRL 89.1 et au retour, on vous parle du travail de l'or dans l'Antiquité égyptienne.